Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Transformer les agressions internes en tremplin évolutif ». Pour ceux qui ne le savent pas, veuillez noter qu'à la pause, les cassettes sont disponibles dans l'enregistrement audio de la conférence. Avant de commencer à vouloir transformer les agressions internes en tremplin, je veux savoir c'est quoi une agression interne. Qu'est-ce que c'est qu'une agression interne? Bon, quand tu as voulu allumer la lampe, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez toi? Non, je me suis dit que si la lumière ne s'allumait pas, il y en a une qui s'assoirait. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas eu une petite frustration, une petite hésitation, une petite niaiserie de t'être fait avoir par une lampe qui ne s'allume pas? Pas grand-chose. Mais ça serait ça, une agression interne. Et la majorité des personnes en vivent quotidiennement, régulièrement. Une frustration? Pas, c'est une frustration, c'est aussi une peur, c'est aussi une angoisse, c'est un trac, c'est une gêne, c'est une honte, c'est plein de choses du genre. Les personnes qui sont venues ce soir, bon, malgré la température, et plusieurs sur la route, en ont vécu tout le long en s'en venant. Et une agression interne, on vit toujours ça, finalement, pour rien du point de vue de la vie. Ça a des utilités évolutives, mais ça ne sert absolument à rien d'autre. Une personne qui dit, par exemple, ben oui, mais c'est bon la peur, ça rend prudent. C'est vrai, quand tu n'es pas assez intelligent, la peur te rend prudent. Par contre, quand tu es suffisamment intelligent, tu deviens écologiste. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir peur pour être prudent, parce que ça devient logique d'être prudent dans certaines situations. Alors que la peur va, la majorité des agressions internes chez l'être humain dans le passé, puis encore aujourd'hui, parce que traditionnellement, on finit par les accepter comme faisant partie intégrale de ce que nous sommes, les agressions internes sont là pour pallier au manque de vision ou de conscience de l'être humain. Plus l'être humain devient intelligent, et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intellectuance. Je parle de la capacité d'apprendre sur le tas, de la capacité de savoir une chose sans l'avoir apprise. Alors, quelqu'un qui se débrouille dans un événement neuf, il exprime de l'intelligence. La majorité des humains sont extrêmement intelligents, mais la majorité des humains expriment surtout de l'intellectuance. Oui, mais j'ai pas appris, donc je peux pas. Alors que celui, le premier qui en a parlé ou qui a travaillé là-dessus, ça va pas non plus. Il a fallu que quelqu'un sache à un moment donné au début. Oui, comme quand des personnes, par exemple, posent des questions, est-ce que vous êtes psychologue? Tu réponds, oui, je suis psychologue. Ah, vous avez un diplôme? Non, j'ai pas de diplôme. Ah, vous êtes pas psychologue? Un psychologue, ça veut dire spécialiste de l'âme. Bon, Freud, est-ce qu'il avait un diplôme? Non, bien c'est ça. Ben, vos diplômes, ils valent quoi? Parce que celui qui a commencé à diplômer, il n'en avait pas de diplôme. L'intellectuance, la mémoire, parce que tu as appris, le diplôme garantit que tu as appris. Ça ne garantit pas que tu t'en rappelles, ça ne garantit pas que tu peux t'en servir, ça ne garantit pas que tu peux l'utiliser convenablement, ça garantit que tu as appris. Lorsque l'être humain applique surtout de l'intelligence, nécessairement, il n'y a pas de diplôme pour l'intelligence, c'est la vie. Parce que celui qui applique l'intelligence a quand même des agressions internes ou en a moins? Il en aura, sauf que celui qui applique l'intelligence sera capable de les transcender. Celui qui apprend à transcender une agression interne aura toujours de la difficulté à cause d'un paquet de mécaniques qui font partie même des agressions internes qui sont reliées à l'intelligence. Donc, on peut se servir de ces agressions-là pour en fabriquer un tremplin évolutif. Ah oui? Mais, ben, c'est ce que tu as dit. Moi, c'est ce qui est écrit, tout à l'heure. D'accord, mais c'est ce que les autres ont dit que tu dirais. Mais avant de faire ça, avant de le transformer en tremplin évolutif, on nous demande l'intelligence, justement, de transformer quelque chose en tremplin évolutif. Si déjà dans l'évolution normale ou standard, on se pète la gueule sur le mur, ça ne tente pas même d'avoir un tremplin en plus. Qu'est-ce que ça donne d'évoluer plus vite, d'avoir un tremplin? Ben, disons que, justement, l'évolution te fait toujours faire des bombes, tu frappes toujours le plafond. Ça fait mal. Fait que si tu mets un tremplin en dessous, c'est pas mal. Tu passes à travers, puis ça va être réglé. Ça donne quoi? Ça te rasait l'autre étage, ça va être fini. Fait que c'est un tremplin, ça accélère le processus de l'évolution? Ça accélère le processus de l'évolution. Par contre, c'est évident que si tu fais partie de l'évolution souffrante, de l'évolution miséricordieuse, de l'évolution méritoire, de l'évolution où on doit pardonner, où on doit donner, où on doit reprendre, de l'évolution, bref, lunaire, de l'évolution attribuable à l'animal humain surtout, c'est sûr que le tremplin évolutif va déchirer encore un peu plus de parties chez toi. Sauf que ces parties-là vont être déchirées, par la suite, tu vas vivre une forme de liberté dans ta conscience, et progressivement, tu auras une conscientisation, ce qui fait que tu auras un éclatement interne qui va te permettre de voir les choses telles qu'elles sont, du moins de voir les choses d'une façon beaucoup moins souffrante, d'une façon beaucoup plus facile, et tu ne feras pas juste qu'apprendre que tu n'as pas des barbites, ce sera, tu pourras même utiliser la mécanique qui fait que tu n'as pas des barbites. Alors, le tremplin évolutif a plusieurs avantages. C'est évident que si tu évolues comme moi d'une façon plus douce, plus tranquille, d'une façon qui n'est pas souffrante, d'une façon où à peu près rien de problématique ne t'arrive. Bah, il arrive des choses qui arrivent à n'importe qui, mais il y en a qui passent un an ou deux à chialer là-dessus, puis il y en a d'autres qui s'en rendent à peine compte. Alors, ça dépend comment tu veux vivre. Alors, le tremplin évolutif peut te permettre de te diriger vers, plus rapidement vers une conscience qui va t'appartenir, donc une conscience qui ne sera pas tributaire de l'expérience, une conscience qui ne sera pas tributaire non plus de l'enseignement. Si, pour conscientiser quelque chose, tu dois toujours passer par l'expérience, parce que tu conscientises uniquement en fonction de la mémoire, de l'intellectuel, de l'intellectuaire, eh bien, nécessairement, pour comprendre que tu dois faire ceci ou cela, eh bien, tu vas vivre une expérience qui devrait t'amener à le comprendre. Sauf que plus souvent qu'autrement, l'apprentissage par essai est rare, c'est compliqué. On peut apprendre à passer par la bonne porte, mais de là à comprendre qu'on doit être écologique, qu'on doit cesser de polluer, ou etc., mais quand tu commences à l'apprendre par essai et erreur, par l'expérience, c'est souvent pénible. Alors, celui qui vit uniquement de l'expérience, bien, nécessairement, le tremplin va l'envoyer un peu plus fort dans ce qu'il dans les murs ou dans le plafond. Ça va l'aider. Mais c'est comme un peu plus souffrant. Celui qui, à un moment donné, essaie de s'asseoir un petit peu et puis de commencer à vivre d'une conscience plutôt que de l'expérience, le tremplin le projette dans la conscience. Le tremplin ne le projette pas dans l'expérience. Alors, tu peux apprendre que en te droguant, ça amène des choses négatives. Puis tu peux aussi le conscientiser sans avoir à te droguer. Dans l'un des deux cas, tu vas dire, oui, mais moi, ça m'a pris 20 ans avant de découvrir que l'alcoolisme, c'est ça qui détruisait ma vie. L'alcooliste était là pour t'obliger à découvrir, premièrement, qu'est-ce que tu n'avais pas de libre-arbitre. Deuxièmement, il était là pour t'obliger aussi à comprendre que l'être humain doit devenir son seul maître. Il était là pour te... Bon, il y a plusieurs choses. Celui qui arrive à s'en sortir peut apprendre plusieurs choses. Alors, il y a l'autre aussi qui n'a pas besoin de commencer à boire pour apprendre les mêmes choses. Lui, il vit de conscientisation. Et on ne choisit pas dès le départ si on va vivre d'expérience ou de conscientisation. Plus souvent qu'autrement, on a le choix, c'est qu'on vit les deux. On a le choix de privilégier l'une des deux façons plutôt que l'autre. Donc, dans l'un des cas, ça sera plus souffrant. Tu as besoin, par exemple, de faire voler ton automobile pour découvrir l'attachement que tu avais dessus et la stupidité de t'attacher à une automobile, alors que l'autre, lui, ben, il a fait assurer puis il s'en fout. Alors, plus souvent qu'autrement, il ne se la fera jamais voler. Ça ne servira à rien qu'il se la fasse voler. Parce qu'il est détaché du résultat, de la matière? Pas parce qu'il est détaché du résultat, parce qu'il n'est pas attaché au résultat. Une nuance. C'est quoi la nuance? Celui qui se détache, c'est celui qui suit une thérapie. Celui qui n'est pas attaché, il n'a pas besoin de thérapie. Celui qui se détache, c'est souffrant encore. Par exemple, tu dis, ben, celui qui se détache, c'est comme la personne qui suit un régime pour maigrir. Ben, c'est souffrant. Celui qui n'a jamais engraissé, ce n'est pas souffrant. C'est la même chose que les agressions internes. Est-ce qu'on peut cicatriser ou enlever, par exemple, la jalousie, l'alcoolisme, ça, par une technique quelconque? Pas une technique quelconque, oui. Une méthode, quelconque. Comment tu fais? Pour transformer l'alcoolisme en tremplin évolutif, ou transformer l'ennui en tremplin évolutif, ou transformer la peur en tremplin évolutif? Bon, premièrement, tu as une personne qui ne pense qu'au suicide. Hein? Vous ne pensez qu'au suicide, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe en arrière de vous, puis sur une fesse, on vous pique une aiguille, une seringue avec une aiguille, et puis on vous injecte un peu de drogue. Alors, nous tous drogués, vous ne vous suicidez pas, là, évidemment. Vous êtes tous drogués, là, vous êtes tous barbouillés d'enthousiasme, vous courez un peu partout. Alors, la drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, sauf que la mort, c'est pire. Après un laps de temps, bien, de la drogue, lentement, on vous amène de l'alcoolisme. On vous fait boire. Par exemple, des drogues fortes, on vous amène lentement, progressivement, aux drogues faibles, la marijuana, et puis à un moment donné, c'est l'alcool. Alors, pour arriver à atteindre Dieu, tu dois être alcoolique. Comme les Amérindiens, c'est ce qu'ils avaient, c'est leur problème. C'est qu'eux autres, ils allaient dans la forêt, ils allaient transpirer, et puis ils allaient jeûner, puis à un moment donné, ils avaient une vision, un son, qui leur disait un peu ce qui devait leur arriver, ce qu'ils devaient faire. Quand les Blancs sont arrivés avec l'eau de feu, ben nécessairement, tu avais qu'à prendre 3-4 bouteilles, puis tu avais tout de suite le songe, sans jeûne, sans tentation, etc. C'est plus rapide. Ben oui. Mais n'empêche que l'alcool t'amène à un certain niveau de déconscientisation qui va faire en sorte que l'humain va parvenir à détester tout ce qui, chez lui, l'oblige à être faible. Il appelle cela être faible, parce qu'il ne comprend pas la mécanique. Alors il dit, pourquoi suis-je faible? Mais progressivement, il va se désintoxiquer de l'alcool, donc c'est un tremplin évolutif, parce qu'une fois qu'il est désintoxiqué, il découvre aussi qu'il est peut-être faible, c'est-à-dire qu'il va peut-être découvrir, s'il fait cela convenablement, que chez lui, il y a des faiblesses, mais que lui n'est pas faible. La preuve, il n'est plus alcoolique. Il est peut-être encore alcoolique, disons, mais il ne boit plus. Alors, pourquoi il va dire « je suis encore alcoolique » C'est parce qu'il n'a pas encore fait la séparation totale entre ce qui, chez lui, l'oblige à être alcoolique et lui qui ne l'est pas, parce que si lui le serait, il n'aurait pas suivi de cure. Donc, ça devient progressivement un tremplin réellement évolutif. Il est parti de la volonté de se suicider. En réalité, c'est une âme tueuse qui l'habitait. Progressivement, il évolue vers une plus grande, disons, liberté de conscience, quoique, encore une fois, rendu à ce niveau-là, il reste encore totalement manipulé, il y a plusieurs principes qu'il n'a pas compris. Alors, il en arrive, après l'alcoolisme, à une autre forme de drogue qui va être le positivisme, qui va être la religion aussi, qui est une forme de drogue. Et par la suite, que lorsqu'il se sera fait suffisamment écœuré par les religions qu'on va vouloir lui vendre, pas nécessairement par la sienne, mais par la confrontation entre ce que lui vit comme religion interne et ce que la tradition ou ce que le collectivisme aimerait qu'il fasse. Hein? Il y en a qui vont à l'église, il y en a qui préfèrent le faire chez eux, il y en a qui se disent, chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est la même chose que d'aller à l'église. Il y en a qui vont à l'église puis qui ne font jamais rien de leur vie. Bon, on a des grands tueurs qui ont passé le temps, leur vie, aller à l'église. Bon, Dieu leur pardonnait, il n'y avait aucun problème après, il y avait qu'à recommencer, puis Dieu leur pardonne encore, il n'y avait pas de problème là. Et ça devenait un tremplin évolutif, en ce sens que tous les problèmes internes, les agressions internes chez l'humain ont toujours été des mécaniques qui l'ont poussé à avancer. Parce que l'humain est capable de sentir la peur, parce que l'humain est capable de souffrir dans sa psychologie, donc dans son âme, l'humain nécessairement fait tout pour fuir cela. Donc, cette souffrance, ces agressions internes, sont ce qui motive l'humain à avancer. En même temps, l'humain a peur d'avancer, parce que dans l'avancement, il y a du neuf. Puis dans l'humain, dans l'intellectuance, dans l'intellect, dans la mémoire, il y a du vieux, de la tradition. La peur devient un frein qui fait que l'humain n'avance pas trop vite, cela lui évite de se casser la gueule. Et en même temps, la peur devient aussi un frein qui crée une friction, qui crée un échauffement, qui crée une autre souffrance. Lorsque l'humain parvient à avoir des raisons intelligentes d'apprendre, à avoir des raisons intelligentes de se conscientiser, à avoir des raisons intelligentes d'évoluer, alors là, il est prêt pour transformer toutes les agressions internes en tremplin évolutif. C'est quoi les raisons intelligentes d'évoluer? Ah, c'est une bonne question. Ah, y en a-tu? Ben oui, il y en a. Il y en a? Lesquelles? Ah, il y en a plusieurs. Es-tu assez intelligent pour les comprendre? Je sais pas, mais j'écouterai la cassette quand je suis le plus intelligent. On évolue, on veut évoluer, puis... On ne veut pas évoluer. Ah ben c'est ça. Pourquoi on veut évoluer, puis on ne veut pas évoluer? On ne veut pas évoluer. Personne ici qui veut évoluer. Qu'est-ce qu'on fait là, d'abord? On évolue. Ouais. On n'a pas choisi d'évoluer, on est manipulé vers l'évolution. Oui, quelqu'un qui veut manger, qui veut manger? Il n'y a personne sur la planète qui veut manger. Ah, oh, j'ai faim! C'est pas pareil. Mais si tu n'aurais pas faim, jamais, voudrais-tu manger? Qui veut dormir sur la planète? Ben, à un moment donné, je suis fatigué, je veux dormir. Tu veux pas dormir. Tu penses que tu veux dormir, mais tu veux pas dormir, tu es obligé d'aller dormir. Tu veux pas dormir. L'évolution, c'est pareil, on peut dire, je veux évoluer. Ben oui, c'est beau. Ben, cesse de vouloir évoluer deux secondes, voilà. Mais tu peux pas. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi on doit évoluer? Parce qu'on choisit pas. On ne doit manipulé. Pas évoluer non plus. On doit pas, on est manipulé. Pourquoi on est manipulé à évoluer? Tu vois, certaines, on évolue. Oui. Pourquoi? Premièrement, il y a plusieurs raisons à plusieurs paliers qui peuvent être accessibles à une conscience qui évolue. La première raison, ça va être de retourner vers le Créateur, vers Dieu. Progressivement, on se rend compte qu'on dépasse le Créateur, enfin l'image qu'on s'en faisait. L'homme, la femme nécessairement et l'enfant ont un rôle, une fonction. Ils n'ont pas de mission. La mission, c'est la vision spirituelle, c'est la vision émotive d'une fonction. Le moteur a une mission, faire avancer l'automobile. Le moteur n'a pas de mission, il a une fonction. La nuance, elle est là. Quelle est la fonction, d'abord, de l'homme? La fonction de l'homme, de la femme, c'est d'effacer toutes les traces du temps. Alors, c'est évident que je te dis, oui, mais moi, ça m'avance à quoi? Ça te regarde pas. C'est ça. C'est ça que j'aime dans tes réponses. Vu que ça ne me regarde pas. Oui, mais on peut mettre des réponses plus traditionnelles, on peut en compter plein d'illusions, on peut s'amuser. La problématique, c'est que si on met trop d'illusions... Ça te regarde-tu si t'as soif? Oh, j'ai aucune idée. Ça, ça n'a rien changé. Ça ne nous regarde pas, mais c'est nous autres qui le vivons. En tout cas, on est pris dans un corps, dans un temps, dans on un... On ne le vit même pas. Ben oui, on le vit. Non. C'est qui est pris dans le banc de neige au coin de la rue, puis qui est en train de pelleter, puis il appelle ça évoluer parce qu'il est après... C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Mais celui qui le vit, il le vit. Non. C'est qui le vit? Il n'y a personne qui vit? Non. Il y a une conscience, il y a un corps, il y a une pelle, il y a une âme qui sont en train de... Non. Et quoi? Pourquoi ça, c'en est un exemple de l'agression interne, j'imagine, celui qui est pris dans un banc de neige, qu'est-ce que ça lui donne? Sa conscience, ce qu'elle est là, sa conscience n'est pas là, donc sa conscience, elle ne vit rien, ce n'est pas une personne, c'est l'animal humain qui crie, qui va évoluer là-dedans? Quelle partie de l'homme? Toute. Ça ne va pas évoluer le corps physique, ah oui, il va pelleter, quoi. Oui. Comment ça va faire évoluer l'âme? L'âme, elle apprend, l'âme, elle cumule de la mémoire, l'âme, ça la fait évoluer en ce sens que l'âme va, à un moment donné, finir par se détacher totalement de ce qui l'a créé, c'est-à-dire de la mémoire. Elle appelle cela Dieu dans la majorité des cas, mais c'est souvent le gros orteil de Dieu, ce n'est pas le Dieu. L'âme, elle va finir par s'écœurer d'être sur une planète où ce que finalement le Dieu parfait est toujours en train de l'envoyer promener des bancs de neige. L'âme va finir par vouloir se détacher des mécaniques sataniques ou des mécaniques yaviques qui font qu'à un moment donné, ton enfant meurt ou que quelqu'un que tu connais décède ou que quelqu'un est pris du sida ou quelqu'un est malade, ou etc. L'âme finit aussi par se détacher de mécaniques qui fait qu'à cause qu'à un moment donné, apparemment, une femme et un homme auraient bouffé une pomme, mais depuis ce temps-là, on a des problèmes à plus finir. Alors que le bon Dieu, bien qu'il a planté son maudit pommier ailleurs, ça aurait été tellement plus simple. Progressivement, l'âme finit par évoluer en étant obligée par le mental, c'est-à-dire que l'âme finit par vivre de désillusion en désillusion, et les désillusions qui sont une forme de souffrance, uniquement parce que nous refusons d'abandonner la tradition. Lorsque j'étais jeune, j'avais quelques années, il y a de cela plusieurs années, je pose la question que plusieurs jeunes, à un moment donné, ont posé aussi, c'est que, bon, Dieu, j'aimerais premièrement te voir la face, si tu existes, tu vas être au moins assez puissant pour me donner un signe de ta présence. Et là, j'ai une réponse archétypale, une réponse traditionnelle qui me dit, non, Dieu ne veut pas donner de signe, Dieu se fie sur ta foi. Oui, mais j'ai foi en Yahvé, j'ai foi en Krishna, j'ai foi en Bouddha, j'ai foi en Jésus, j'ai foi en Mahomet, j'ai foi en Moroni, j'ai foi aux extraterrestres, j'ai foi en Claude Varillon, j'ai foi à... Bon, alors c'est où, là? Comment je fais maintenant pour savoir? Parce qu'ils me disent toutes la même chose. Les extraterrestres, ils viennent pas, ils se fichent ma foi. Krishna, il vient pas, il se fiche ma foi. Mahomet vient pas, il se fiche ma foi. Il se fiche tout sur ma foi. Alors, moi qui ne sais rien, comment puis-je terminer? Et la réponse est simple, choisis le bon. Si tu te trompes, tu vas le voir. En enfer pour l'éternité. Alors, j'ai choisi le bon. Aucun de ceux-là. Ça ne peut pas être un de ceux-là. Il n'y a pas un créateur ou il n'y a pas une énergie créatrice qui peut placer l'être humain sur la planète Terre avec comme unique fonction pour l'être humain que d'évoluer pour finir par plaire au créateur. Merde, crée-moi donc comme je te plais, c'est bien simple. Peux-tu demander à une fille ou à un garçon ou à un paysage de démerde-toi, j'en reviens dans 2 ans, là, puis il faut que tu aies poussé pour que tu me plaises. Sinon, je te mets le feu. Le paysage, il va pousser en fonction de sa génétique. Il va pousser en fonction s'il pleut ou s'il pleut pas. Il va pousser en fonction des castors qui peuvent venir couper des arbres. Il va pousser en fonction de la tordeuse des bourgeons d'épinettes. Il va pousser en fonction d'un paquet d'affaires qu'il ne regarde même pas. Tu reposes 2 ans après, viens, t'es bien laid, mets le feu là-dedans. Ça t'apprendra. C'est ça que finalement les dieux demandent à l'humain. Ils disent à l'homme et à la femme, soyez beaux et parfaits. En attendant, toi tu fais faillite, toi tu as le sida, toi tu as ci, toi tu as ça. Puis soyez beaux et parfaits. Comment veux-tu, à un moment donné, que l'être humain se retrouve si l'être humain n'abandonne pas des explications traditionnelles dans sa présence à la planète? Dans le système krishnique, où il y a Krishna, seul l'homme est sauvable s'il fait ceci, cela, cela, cela, cela. Autrement dit, c'est que Dieu a donné des sens pour que l'homme s'en serve pas, Dieu a donné des idées pour que l'homme s'en serve pas, de l'imagination pour que l'homme s'en serve pas, de l'intelligence pour que l'homme s'en serve pas, et Dieu demande à l'homme, ben tu dois simplement appliquer les 356 000 règlements que j'ai prescrits. Autrement dit, chaque fois que tu as le goût de te lever, tu dois vérifier s'il y a un règlement qui t'explique quel règlement te prescrit comment tu dois te lever. La femme, elle doit uniquement servir l'homme. Elle ne sert à rien, elle n'a pas d'âme. C'est un véhicule matériel animé par Krishna. Et elle doit uniquement servir l'homme. Et si elle sert l'homme pendant plusieurs vies d'une façon absolument parfaite, peut-être que Krishna va lui permettre de se réincarner en homme à un moment donné. Et là, elle pourrait être sauvée. Bon, ça, ça existe encore même à Montréal. Il y a des femmes, Krishna, qui m'a dit de me dire qu'ils sont beaux. Il y a beaucoup de maris, en tout cas, qui cherchent les femmes Krishna. Juste pour savoir si c'est vrai, comme vous. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que... Et on va dire, oui, mais ça, c'est ça n'a pas d'allure. Fouille dans n'importe quelle religion. Mais il y a des religions qui disent que tu dois mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays fanatiques qui continuent à se battre. Il y a des religions qui disent que tu dois porter la bonne nouvelle, faire ceci, faire cela. Occupe-toi pas de tes enfants. Fais du porte-à-porte. Bon, il y a énormément de religions, toutes les religions. Il n'y a pas une seule religion sur le plan planétaire qui mène l'homme à se libérer d'elle-même. Mais c'est toutes pas... les religions le gardent esclave. C'est pas un passage par lequel ça n'existe pas pour rien. S'il n'y a personne qui décide de rien, ça a été créé pour une raison. Ça a été créé pour quoi, les religions? Ça n'a pas été créé. Ça s'est créé. Ça s'est créé. Parce que l'homme avait besoin de religion, parce que l'homme n'était pas capable de supporter son ignorance. Alors, l'homme a engendré des réponses illusoires qui s'approchent d'une forme de réalité, il n'y a aucun problème là-dessus. Progressivement, l'homme entre en contact avec des mécaniques d'intelligence qui vont être colorées par ce qu'il vit lui. Et colorées par ce qu'il vit lui, à un moment donné, il a déduit une forme de tradition. Il amène une parole traditionnelle, qui vont écrire des livres sacrés. Et ce qui a été écrit dans ces livres-là sont extrêmement ajustés aux individus qui les ont écrits. Mais c'est évident que 800 ans, 2000 ans, ou 3000 ou 4000 ans plus tard, ce n'est plus ajusté à cela. Mais parce qu'il y a des processus de réincarnation, parce que les individus qui vivent aujourd'hui sont réincarnationnellement ce qu'ils ont été dans l'Antiquité, nécessairement, ils se fient encore à la parole traditionnelle. Autrement dit, moi, lorsque je vivais avec Moïse, eh bien, j'ai appris des choses qui m'ont énormément aidé. Bon, alors plusieurs milliers d'années après, la réincarnation de ce que j'étais me disent toujours, oui, mais gars, c'était bon ça, c'est bon ça. Mais c'est plus bon ça. C'est-à-dire que c'est plus bon. C'est toujours bon dans ce temps-là. Ce n'est pas applicable aujourd'hui. J'ai un autre cerveau, un cerveau qui est raffiné par l'évolution génétique, j'ai un autre système endocrinien, j'ai de l'expérience amique, de l'expérience de l'âme qui provient de plusieurs milliers d'années. Je suis en confrontation avec l'expérience de l'humain à travers l'histoire. Et à un moment donné, ben, il y a d'autres choses. Il y a eu une époque où les femmes n'avaient pas d'âme, puis subitement, dépassé l'an 1000, les femmes ont commencé à avoir une âme. Est-ce que Dieu, ça change d'idée? Est-ce que Dieu s'était trompé? Est-ce que les prophètes de Dieu étaient des imbéciles? Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas de droit de vote avant. Ben, il y a eu le droit de vote, il y a 50 ans. Ça prenait non, une âme, c'est uniquement vote. Parce qu'à un moment donné, les religions ont dû muter en fonction de ce que l'homme demandait. Quand l'homme et la femme se posaient une question, pourquoi la femme n'a-t-elle pas d'âme? Ben, à un moment donné, il n'y a plus de réponse. Plus de réponse satisfaisante. T'sais, les voies de Dieu sont impénétrables. Je veux bien croire, mais à un moment donné, là, c'est impénétrable. Peut-être parce qu'il n'y a rien pénétré. Bon, il n'y a peut-être pas de réponse, là. Peut-être que c'est même pas vrai. Peut-être qu'ils ont une âme. Peut-être qu'ils ont autre chose. Peut-être que, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu dois abandonner les réponses traditionnelles pour parvenir à altérer la religion. Qui, elle, va maintenant altérer la collectivisme. Ça devient des agressions éternes parce que pendant longtemps, le plus grand prêtre de Dieu a été Satan. Hein? Celui qui a converti le plus d'infidèles à la religion, c'est le diable. En les poussant dans l'autre direction. Exactement. C'est effectivement une agression interne qui t'oblige à appliquer dans l'expression de ta vie un côté plus positif de l'ignorance humaine. Parce que tu ignorais, tu craignais Dieu. Hein, la peur, c'est pas un péché, la peur, c'est même un don chrétien. Tu dois craindre ton Dieu. Et parce que l'être humain a été obligé par le diable, par l'obligation de la fuite de l'enfer, etc., qui sont les mémoires de la densification de la planète, à appliquer des choses qui sont plus collectivisantes, mais qui ont empêché les guerres, qui ont ralenti énormément de choses, c'est devenu un tremplin évolutif, même si l'humain, ne comprenant jamais ce qu'il faisait, a passé son temps à souffrir de cela. Parce que quelqu'un qui veut lâcher sa religion, à un moment donné, il en souffre énormément, parce que Dieu vient lui dire, si tu pars, là, je te protégeais contre X, Y, Z, mais si tu t'en vas, là, ça va tout ton visage. Est-ce que les agressions internes sont la plupart du temps reliées à quelque chose à laquelle on tient, émotivement? Oui, mais ça peut être souvent inconscient, c'est-à-dire qu'on tient énormément à notre image. C'est pour ça que le gars dans le banc de neige là-bas, il peut sacrer, il peut chialer. Il peut sécréter, il peut vivre émotivement ce qu'il vit, alors que tout ça, ça ne sert absolument à rien. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il prenne sa pelle, puis qu'il pèle. Mais comment ça peut faire évoluer le fait de sécréter, de sacrer, de rager? Ça amène l'humain à la désillusion totale des dieux. Des dieux et de... seulement des dieux ou de toutes? Pas de toutes, mais tout est créé par Dieu, dans l'archétype. Quelle est l'intelligence que vous soyez pris avec votre automobile dans un banc de neige? Hein? C'est quoi l'intelligence mécanique? C'est quoi l'intelligence qui fait que votre moteur ne démarre pas, à un moment donné? C'est quoi l'intelligence qui fait qu'on est malade? Ah, il y a un écosystème, il y a des virus, hélas, des bactéries aussi, qui ont besoin de vivre en parasite chez l'humain, comme chez les animaux, puis qui se servent d'eux autres, etc. Oui, mais traditionnellement, on doit faire attention pour ne pas détruire la vie. Chaque fois que tu tues un maringouin, condamne pour l'éternité à l'enfer. Ah, peut-être que Dieu a mis les maringouins pour tu les tuer, c'est possible. Mais franchement, il aurait pu inventer d'autres choses. C'est toujours le même principe. Quand tu regardes un écureuil, tu trouves ça génial. Quand tu regardes un aigle royal voler, tu trouves ça génial. Puis quand tu regardes l'aigle royal qui tombe sur l'écureuil, qui arrache la tête et qui le mange, tu as le goût de tuer l'aigle royal. La beauté, elle est une vision de l'homme. Dans certaines situations, la beauté est détruite par la même vision de l'homme. Ça devient quelque chose de laid. Mais tout fait partie d'une mécanique qui n'appartient qu'à la mécanique. Quand le Nazaréen disait, à un moment donné, un personnage, c'est l'homme qui doit remettre ses péchés. Fait, tu peux aller demander à Dieu un pardon. Mais si le gars que tu as offensé ou la fille que tu as offensé ne t'a pas pardonné, ils ne sont même pas à peine d'aller à l'Église. Commence par le voir, règle tes problèmes avec lui, puis après ça, s'il te reste du temps, on va faire un tour à l'église. Sauf que l'humain continue, pareil, à se déculpabiliser en replaçant ses problèmes sur le karma collectif, donc de s'en remettre à Dieu. Mais ça, c'est le même principe. C'est exactement la même chose. Mais il y a énormément, quand je parle d'agression interne, on parle de, comme tout à l'heure, la lampe, on parle d'une personne qui arrive en retard, par exemple, et qui tout le long, pendant qu'elle arrive en retard, elle vit déjà quelque chose à l'intérieur, c'est une agression interne. Ça te nuit, ça te vieillit, ça détruit ton corps physique, ça brûle de l'énergie, ça canalise ta conscience vers une chose, vers un mauvais chemin. Le plus grand piège, la plus grande des agressions internes, chez la personne qui évolue méritoirement, donc celle qui vit du mérite, c'est-à-dire celle qui doit gagner sa vie, hein, qui doit gagner son ciel, qui doit gagner son évolution. La personne qui se dit, ben oui, mais par la souffrance, j'ai appris énormément. C'est vrai. Moi, je n'ai pas souffert et j'ai appris énormément. C'est aussi vrai. Dernièrement, j'ai une personne qui voulait même faire un reportage sur moi dans la revue le lundi. Dernièrement, ça fait 2 ans sûrement. Et puis, le problème qu'elle avait, c'était que à la direction là-bas, ça ne passait pas, l'article, c'est sur l'enfant Teflon, ça ne passait pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas souffert. Bon, si c'est ma souffrance quand j'étais jeune qui m'a amené à découvrir l'enfant Teflon, etc., etc., etc., là, on fait un article. Bon. Souvent aussi en conférence, lorsque je rencontre des gens, c'est toujours, oui, mais vous avez dû souffrir énormément, vous pouvez parler comme vous parlez là. Non. Je comprends que vous ne vouliez pas le dire, là, mais vous avez dû souffrir énormément. J'ai beau fouiller, non. Oui, mais à un moment donné, avez-vous perdu un parent quand vous étiez jeune? Mon père, il a fait une thrombose cérébrale, mais je ne l'ai pas perdu, je l'ai ramassé. Bon, j'avais 12 ou 13 ans. Ah ben c'est ça, j'ai souffert. J'ai pas souffert. Lui, oui. Moi, non. Ah, mais c'est des jeux de mots. Bon, ben, si c'est des jeux de mots, vous souffrez pour rien de bon. Parce que jeu de mots, jeu de mots. Non. Il y a des personnes qui condensent et canalisent toujours. Donc, un des grands pièges qui fait que l'humain ne peut pas transformer les agressions internes en tremplin évolutif, c'est qu'il vit de l'évolution méritoire. Il est fier de manger du chocolat, puis de se carrier les dents. Il en est fier. Il est fier, il sort du dentiste, puis il se dit « Hey, j'ai réussi à y aller! » C'est pas ça le principe. T'as 3 dents en moins. Tu sais, t'es fier d'avoir souffert. Mais si on souffre quand même, comme tantôt, je donnais l'exemple de celui qui était, je me souviens pas où, mais qui souffrait soit de jalousie ou autrement, comment s'en servir de ça? Comment on peut se servir du fait que qu'on a des problèmes internes, qu'on a des agressions? Pour évoluer, pour rendre la vie plus facile. Ou est-ce que l'être avant, tu n'as pas répondu tantôt à ma question, est-ce que évoluer va nous donner quelque chose? Est-ce que ça va réellement rendre la vie plus facile? Bon, tu parles d'évolution un petit peu. Oui. Parce que ça ne me donne rien de savoir que le tremplin évolutif va m'aider si je ne suis pas certain que l'évolution va m'aider. Bon, ben laisse pas répondre. Ben réponds. Pourquoi tu es sur la Terre? Bonne question. L'autre question, es-tu réellement sur la Terre? Là, je suis un peu plus haut, là, mais je ne sais pas si je suis sur la Terre. C'est une bonne question. Oui. Parce que je ne sais pas si je suis un corps, si je suis... Je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Bon. Alors, nécessairement, là, en tentant de répondre uniquement à pourquoi suis-je sur la Terre, sans déjà explorer d'autres phénomènes, suis-je sur une planète? Ah oui, mais mon corps est sa planète. Entièrement d'accord. Es-tu une automobile parce que tu es dans une automobile? Non. Bon. Quand l'automobile a une crevaison, tu as une crevaison. Mais tu n'as pas de crevaison en réalité. Non, je suis conducteur de l'automobile. Je t'en vais en panne sur l'autoroute. Arrêt cardio-respiratoire. Mais non, niaiseux, en panne d'essence. En panne d'essence. Essence. Essence de venir, peut-être. C'est ça? Alors, l'humain, oui. Pourquoi ça m'arrive à moi, ton char, qu'il y a un accident? Ça t'arrive à rien, toi. Oui, mais parce que toi, tu te crois tellement merveilleux que pour toi, tu aurais dû ne jamais avoir d'accident, même si tu te conduis à l'ébriété. Il y a le rôle de l'homme, mais pas le rôle de l'animal humain. Et c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. C'est que le rôle de l'animal humain, c'est uniquement d'être là. Être là où? Là. Là. Là. Dans le bas de neige, assis là. Oui. Bon. Sauf qu'à un moment donné, le corps physique de l'animal humain va finir par être investi d'intelligence, donc de conscience, et là, il y aura une mutation de l'animal humain vers l'être humain. Et progressivement vers l'être. C'est quoi la différence entre un animal humain et un être humain? L'animal humain, il n'a aucune conscience de ce qu'il vit. Il travaille toute sa vie pour s'en sortir et puis il meurt de toute façon. Il n'a pas conscience de ce qu'il est. Il faut regarder de temps en temps des... Il y a beaucoup de personnes comme ça ici, mais je donne un exemple. On regarde des émissions de télévision ou des vidéos sur des peuplades qui vivent en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Australie, dans les terres. Et on va voir, par exemple, on prend un enfant ou même un adulte, il est en train de manger, puis il y a une mouche qui arrive sur le front, il y en a plein partout, il y en a plein sur sa main. Pas mange. Pèse une mouche sur ton nez. Non. En tout cas, assez pour que tu l'aures de là. Hein? Ah oui, excuse-moi. Sauf qu'eux autres, non. La conscience n'est pas suffisamment élaborée pour détecter la présence des mouches. Mais c'est pas parce qu'il y a trop de mouches, puis ils tanneraient de frapper dessus. Non, quand tu les manges avec, c'est des protéines, je comprends, mais non. Il y a des mouches qui viennent boire directement dans l'œil des adultes ou des enfants. Ça crée même des maladies, puis ça se met à couler. Là, il y a plus de mouches qui viennent là, puis il n'y a pas aucun problème. Quand j'étais dans un avion au Pérou, il y a une personne qui mangeait, elle avait un bébé dans les mains. Puis à un moment donné, elle a échappé quelque chose à terre. Et puis, c'était une race, justement, génétique qui a une conscience très peu élaborée. Et lorsqu'elle s'est penchée pour ramasser ça, elle a écrasé le bébé totalement sur la barre de métal qui tient la table. Elle l'a écrasé, le bébé, elle poussait pour... Ça n'arrivait pas à se pencher, alors elle poussait. Puis quand elle s'est relevée, le bébé était tout ébahi. La bouche est grande ouverte, puis il ne comprenait pas trop ce qui s'était passé. Il ne souffrait pas, il n'a pas assez mal. Il faudrait que tu bûches un coup de poing pour qu'il pleure. Alors que prendre nos bébés ici, puis qu'elle le regardait de travers, c'est pas broyé. T'as même pas besoin de pencher le moindrement. Bon. Mais on va dire, oui, mais c'est ça, ils sont plus broyards. Ils sont pas plus broyards. L'évolution est synonyme de broyage. Souvent. Oui. Pendant une partie de la chose. Tu sais, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que Dieu s'est dit dès le départ avec l'homme, de toute façon. J'ai dit toute vérité n'est pas bonne à dire. 99% de mensonges, puis 1% de vérité. Sauf que pourquoi la vérité n'est pas bonne à dire? Parce qu'un être humain a l'impression que toute sa vie vient de changer. Ça fait 6 mois que ton automobile, elle est toute rouillée. Et comme tu apprends de vous le soir, tu ne l'as jamais vu ça. Je te le dis maintenant. Hein? Bon, oh, toute rouillée, puis 6 mois. Ça change quoi? C'est la même affaire. C'est la même affaire. Pourquoi subitement tu te fais agresser totalement par un paquet de mécaniques internes qui viennent te dire « Hey, le cœur, fait 6 mois que tu auras dû souffrir. Faut-tu prendre le temps perdu? » Tu souffres un peu plus. Ben oui, mais tu auras dû souffrir tout là, au fur et à mesure. Traditionnellement, un être humain convenable souffre de voir son automobile rouillée. Oh, puis un être humain, par rapport à un animal humain, c'est quoi? L'être humain, c'est l'individu qui a suffisamment de conscience pour commencer à s'écœurer de l'évolution, à s'écœurer souvent de certaines formes de la vie. Pas toujours de la vie, des fois de la vie. Mais c'est une personne qui, à un moment donné, prend conscience des choses. Il prend conscience de sa stupidité. Mais progressivement, il va aussi prendre conscience de la stupidité qu'il habite et non pas de sa stupidité. Mais, dans le début, il prend conscience de sa peur, de sa stupidité, de sa gêne, de son angoisse, de son alcoolisme, du fait qu'il bat sa femme ou qu'il bat son mari, du fait qu'il ne s'occupe pas assez de ses enfants, du fait qu'il niaise ses parents, du fait que... Bon, et puis il prend conscience qu'il y a chez lui des mécaniques qui le confrontent, qui l'obligent continuellement à vivre dans des problèmes. Bon, tu connais l'histoire d'un gars qui, à un moment donné, jouait au hockey? Et puis, il restait, il buvait toujours un peu après ses parties de hockey, surtout quand il gagnait, et il restait proche d'un de ses amis. Son ami lui dit, c'est une histoire vécue, son ami lui dit, quand tu sors là à 2-3 heures du matin, quand t'es bien fatigué, là, rentre pas chez vous, tu restes trop loin, t'as qu'à arrêter chez nous, tu restes plus là. La personne, ça va, mais à un moment donné, elle boit un peu, ce soir-là, il neige, fait mauvais, et puis là, elle décide que, bon, elle est tout le temps en forme, elle va aller chez elle. C'est ça le problème. C'est que la vie est tellement simple. Et elle a décidé d'aller chez elle. Mais ce n'est pas elle qui a décidé d'aller chez elle. Et en s'en allant, elle n'a pas été chez elle. 3, 4 ou 5 heures du matin, elle a fini par aboutir chez son ami. En broyant, puis là, elle dit à son ami, j'ai eu un accident. Fait que l'autre, il lui dit, bah, tu n'étais pas blessé. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. Fait que, qu'est-ce que tu as fait? T'as frappé un autre auto? Non. T'as frappé un poteau? Non. T'as pris le champ? Non. T'as un accident, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué quelqu'un. Mais c'est ça. C'était simple, son affaire. Sauf que il était encore animal humain. Alors, il servait à créer de l'événement social. Il servait à créer de l'événement karmique planétaire. Il servait à engendrer un écœurement social, c'est très progressif, très mineur, mais on aura des viols, on aura des meurtres, on aura des décrochages, on aura des suicides, on aura des accidents, on aura un paquet d'affaires, bon. Et il ne sert à rien d'autre. La journée qu'il conscientise que, avant de la partie, j'avais décidé de ne pas boire, j'avais décidé d'aller coucher chez toi. Après la partie, j'avais confirmé que je ne buvais pas. 3 bières plus tard, je savais que j'allais coucher à la maison, mais pas chez moi, chez mon ami. si bien plus tard. Je savais toujours que j'allais coucher chez mon ami. Dans l'automobile, je savais que j'allais coucher chez mon ami. Je passais devant sa porte, j'ai continué, j'allais chez moi. Trois coins de plus loin, je tue quelqu'un. L'être humain, lui, il s'arrête là-dessus à un moment donné, puis il se dit, je t'ai écœuré. Alors, dans ces mots-là, ou dans d'autres mots, je suis écœuré de servir d'éléments événementiels, je suis écœuré de servir de véhicule pour accomplir je ne sais quoi. Je suis simplement écœuré de servir des choses que je apparemment, je suis même pas, on me dit même pas quoi je sens. C'est tout. Mécaniquement, c'est quoi la différence entre ce que tu viens de dire? Celui qui est, disons, un animal humain qui a servi à ça, puis qui devient conscient de ça, de cette manipulation-là, de tout ce que je voudrais, qui n'a pas choisi, qui n'a pas décidé. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passe chez l'individu qui passe de l'étape d'animal à être humain? Est-ce qu'il y a une patte de plus dans l'astral? Est-ce qu'il est plugué à d'autres choses? Il souffre beaucoup plus. Mais pourquoi? Pourquoi il est plus conscient? Le cerveau a-t-il changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cerveau a changé, mais ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est quelque chose qui cumule de la mémoire. La mémoire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut se nourrir des mêmes événements. Étant donné que la vie, la planète tourne, que la matière change, que les individus, comme les vagues de l'océan, montent puis disparaissent à un moment donné, nécessairement, l'ego, l'âme, est continuellement obligé de s'adapter. Même s'il fait tout pour ne pas s'adapter. Alors, il aura beau garder les photos de sa jeunesse ou de la jeunesse de ceux qu'il aimait, de garder en mémoire ceci ou cela, etc. À un moment donné, ça part, ça s'en va. Il aura beau entretenir son automobile, entretenir sa maison, à un moment donné, ce ne sera plus la même maison, ce ne sera plus le même automobile. Tout l'oblige à s'adapter. Alors que l'humain, dans sa conscience, fait tout, lui, pour ne pas s'adapter. Il fait tout pour adapter les choses. Alors, l'humain, par exemple, va trouver, bon, le seul défaut qu'ont les enfants, à part, évidemment, d'être tannants, c'est qu'ils grandissent, puis ils vieillissent, puis à un moment donné, c'est plus des enfants. Le défaut de la vie, c'est la même chose, c'est qu'on vieillit, puis à un moment donné, c'est plus la même chose. Il y a des défauts dans ce genre-là. L'animal humain, lui, vit à travers le contexte, il ne souffre pas trop. Moi, j'ai vu des individus qui... Bon, on rencontre des personnes. J'étais avec un père missionnaire au Guatemala, dans la jungle. Et là, il y a une famille d'une soixantaine de personnes. C'est une famille, c'est un village. C'est une famille. Et il y a l'armée a tué quelqu'un hier dans le village. Tout le monde pleure. Même ceux qui le connaissent à poids. 60 fois, ce qu'on fait tout le monde. Alors, on se connaît de vue, mais il n'y a pas de lien affectif. Tout le monde pleure. Une heure après, quand il est enterré, une heure après son enterrement, là, fini. Et le lendemain, c'est la guerrière rose qui vient se venger puis qui tue un soldat. Tout le monde rit. Puis deux jours après, l'armée revient et tue encore quelqu'un du village. Et puis, patati, patata. Mais la souffrance, il n'y a pas de souffrance là. Autant que quand ton vidéo, là, il se débobine tout, ta cassette se débobine tout dans ton lecteur. Là. C'est le même genre de souffrance. C'est qu'on souffre beaucoup plus quand on évolue. Oui. Est-ce que c'est la souffrance qui fait évoluer ou l'évolution qui amène la souffrance? La souffrance te permet de vivre. Et tu connais la souffrance planétaire? Dans le passé, tu savais qu'en enfer, c'était pire. Donc, tu es resté en vie. La souffrance, donc, te permettait de vivre. Sauf que la souffrance ne te permet pas d'évoluer. Et en évoluant, tu n'amènes pas la souffrance. Par contre, la souffrance, elle est juxtaposée à l'évolution, c'est-à-dire que par apprentissage, essai et erreur, l'homme, la femme, l'enfant finissent par se changer. Mais à travers cela, il y a toujours la souffrance qui est la résistance que va opposer l'âme au changement. Vous connaissez quelqu'un, il décède. Pourquoi est-ce souffrant? Parce que vous ne voulez pas qu'il soit mort. Donc, l'âme s'oppose au changement, d'où souffrance. Mais là, il y aura des agressions internes qui vont arriver, qui vont pilonner de tous les côtés. Les agressions font toujours partie de la mécanique qui, premièrement, c'est dans le monde de la mort, dans le ciel, dans l'astral, il y a énormément de mécaniques qui veulent se nourrir de ton expérience. Plus tu sécrètes endocrinalement, plus tu nourris. C'est pourquoi toute la gestion évolutive de l'humain planétaire est basée sur une seule chose, l'émotion. À un point tel qu'on ne sait plus faire nuance entre un sentiment et la mémoire du sentiment, l'émotion. Chaque fois que l'être humain vit quoi que ce soit, il use son corps physique par l'émotion. Et cela permet de nourrir. Donc, on pourra engendrer la prolifération de la drogue, de la boisson, du jeu, des disputes familiales, les archétypes de couple, où il y a uniquement de la souffrance, de l'émotion, pour pouvoir le vivre. Par la suite, lorsque l'animal humain est rendu tout proche de devenir un être humain, il y aura le summum de « je dois vivre mon émotion, je suis des émotions, puis y aller par là ». Mais ça leur a jamais rien changé, ça leur empire un peu les choses. Et cela va faire en sorte qu'à un moment donné, parce que l'âme est toujours en train de se heurter à l'obligation de s'adapter, elle engendrera le phénomène mental dans l'humain, qui est l'intellect de sa naissance, et le phénomène mental dans l'humain va commencer maintenant à vouloir gérer l'âme. C'est là que l'humain commence à dire, je dois apprendre à me raisonner, je dois apprendre à me contrôler. Mais la nuance, c'est que vous ne pouvez pas apprendre à vous raisonner, et vous ne pouvez pas non plus apprendre à vous contrôler. Quoi? Le mental de finir par contrôler les virus chez toi, qui eux t'agressent par les termes régulièrement. Alors, quand tu as peur, tu n'as pas peur. La peur s'exprime par ton corps. Comme tu es dans le même corps, si la peur prend le dessus, ben le corps se pousse, puis toi, tu es dedans, tu te pousses avec. Mais comment tu fais pour saisir ou pour vibrer ou pour capter ces émotions-là, parce que quand t'as peur, moi si j'ai un chien de barman qui part à courir après moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a peur. Oui, c'est pas toi qui a peur. C'est moi qui cours, en tout cas. Oui, non, même pas, c'est ton corps qui court. Oui, mais comment tu fais à ce moment-là, justement, pour te détacher mentalement ou autrement? Regarde l'idée, c'est prouvé que plus tu as peur, plus un chien le sent, plus il part après. T'es bien capable d'avoir peur. Oui. Comment dit, tu fais tout pour qu'il te court après. Alors, c'est toi qui as peur, sans avoir peur, c'est réglé. Hein? C'est simple. C'est lui qui a peur, c'est réglé. C'est pas si facile que ça. Eh oui! Non. C'est toi qui as peur, sans avoir peur. Est-ce que t'es complètement niaiseux? Débile? Pas tout à fait. Moustachu? Corse? Moustachu, oui. Non, je sais que c'est pas intelligent d'avoir peur. Ben alors, sans avoir peur? Sans avoir peur? Ben, je suis pas capable. Donc, c'est pas toi qui as peur? Ben, c'est qui? C'est pas qui? Mais la peur est dans ton corps. Mais comment je fais pour l'extraire, la peur, ou comment je fais pour m'en servir, pour évoluer, ou qu'est-ce que ça me donne? Observe clairement que ce n'est pas toi qui as peur, et là tu vas transformer cette agression-là en tremplin. Quand vous allez suffisamment... Oh, il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui après le séminaire ou d'autres choses, ont appris ce que je dis là. Je me fous que vous appreniez, comprendre pour appliquer. Nuance, grosse. Alors, on a appris, par exemple, qu'effectivement, quand j'ai peur, c'est moi qui ai peur. Puis quand le Doberman te part après, t'as peur, puis tu te sauves. Puis une fois que c'est fini, tu te dis, ben c'est ça, ben c'était peut-être pas moi. Mais j'ai beau me... Sur le moment, c'est là qu'il faut que tu appliques les Mais choses. Mais sur le moment, j'ai beau me dire que c'est pas moi qui ai peur, j'ai peur pareil. Non! Mais quand je vois arriver le chien, j'aime pas ça. Et quand, en pratique, là, explique-moi ça clairement, en pratique, comment je ferais pour pas avoir peur. Tu n'as pas peur. OK, j'ai pas peur, mais celui qui cohabite avec moi dans le même corps, lui, il est bien, bien peur. C'est ça. Exact. Comment? Celui qui va finir par t'agresser. Pourquoi une agression interne? Parce qu'il veut absolument, lui, te collectiviser à sa peur. Le virus, la partie de l'âme qui, elle, exprime la peur, mais ce n'est pas toi, elle veut absolument prendre la place dans ta conscience pour aller vivre sa peur-là. C'est exactement comme si la peur avait tellement peur qu'elle veut se pousser du corps physique, puis la place où elle veut se cacher, c'est dans ta conscience. Quand elle arrive là, elle te jette dehors. Puis toi, tu te dis, bon, ben ça y est, j'ai peur. Pourquoi? Parce que tu regardes dans la conscience qu'est-ce qu'il y a. C'est toi, normalement, qui est là-dedans. Mais là, c'est la peur. Alors, j'ai peur. Comment puis-je faire pour ne plus avoir peur? Tu réussiras jamais. Comment je peux faire pour reprendre ma place d'abord dans la conscience, puis remettre la peur à l'extérieur? Bien, juste le fait de te poser la question, sur le moment, tu es déjà revenu de ta conscience. Ton corps... Parce que je pense pas à ce genre de questions-là quand ça m'arrive. Parce que tu agis en animal. Ben, Lucie, t'as de même. Oui. Tu te repars, puis il va continuer de courir. Il faudrait que, avant, premièrement, il faudrait que je sache d'abord qu'il y a un chien qui va arriver au moment où je vais tourner le coin de la rue. Non. Pour être capable de rester mental ou conscient quand ça arrive. Pas mental, conscient. Conscient. Bon, mais comment je fais pour rester conscient? En pratique, je ne suis pas capable de faire ça. pour la simple raison que tu n'as pas encore cellularisé, que tu n'as pas encore suffisamment compris, tu as appris, tu n'as pas suffisamment compris qu'il y a une séparation totale entre tout ce qui t'agresse par l'interne, entre le colocataire de ton corps physique, l'âme, qui aussi cohabite un peu avec ta conscience, l'intelligence, mais qui la repousse, tu n'as pas encore tout à fait créé la séparation entre les deux. Parce que ça fait comme deux qui se parlent en même temps. Ça fait pas comme deux qui se parlent en même temps. C'est deux qui se parlent en même temps. Il y en a un qui a peur, il y en a un qui n'a pas peur. Il y en a un qui a peur, il y en a un qui n'a pas peur. Il y en a un qui a peur, puis il y en a un qui trouve ça con. C'est ça. C'est plutôt ça. Oui. Celui qui trouve ça con, c'est l'intelligence, c'est la conscience de l'humain. Il y en a un qui chiale, puis il y en a un qui, à un moment donné, ben c'est sûr que tant qu'on vit, tant que c'est la partie animale qui domine, vous chiolez, puis vous ne vous en rendez pas compte. Bon, après. Et quand on s'en rend compte après, là, on est rendu être humain. On peut redevenir animal, on dit des rechutes. Là, on est rendu être humain. Tu sais, bon, j'ai fait ça, puis maudit que j'ai été niaiseux ou niaiseuse. Mais vous n'avez pas été ni niaiseux ni niaiseuse. Trouvez-vous intelligent ce que vous avez fait? Non. C'est la preuve que vous n'êtes pas niaiseux. Pourquoi je l'ai fait? Tu ne l'as pas fait. Ah, dans ce compte-là. Mais tu l'as fait d'abord. Puis t'es niaiseux. Mais pourquoi là tu te dis que tu n'aurais pas dû le faire? T'étais où? Quand tu le faisais? C'était pas là. C'était pas là, puis c'était quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre. Tantôt, tu parlais de l'animal humain qui, lui, n'est pas conscient. L'être humain qui est mi-conscient, je dirais, mi-animal. Non, il est conscient, mais sa conscience n'arrive pas à prendre le dessus. Il est conscient qu'il est partiellement animal. Il est conscient qu'il est aniquié, ouais. Il est conscient que c'est pas son goût, tu vois. Puis après, tu as l'être. Mm-hmm. Bon. Qu'est-ce que c'est un être, comparativement avec un être humain? Un être, c'est quelqu'un qui ne peut plus se faire éjecter de la conscience par ce qui habite un corps physique. Et si je prends mon exemple de Doberman, là, l'animal, lui, il n'a pas peur parce qu'il n'est pas conscient du danger. Non. L'être humain, il a peur puis il est en maudit d'avoir peur. Puis l'être, il n'aura pas peur pantoute. L'être n'aura pas peur pantoute. Mais est-ce qu'il lui, va se faire il va tasser la tête du Doberman parce qu'il n'aime pas se faire licher les mains non plus. Il va se faire licher sur le pommeau? Ça. Comment on devient un être? C'est quoi un être comparativement? On s'achète un Doberman. Puis on dresse à venir nous licher les mains. Et voilà. C'est facile. Eh oui. Ça marche pas, parce qu'il y a d'autres façons. Facile, hein? Mais vous pourrez pas le faire. Fais-le. Ben, je vais l'acheter un empaillé, puis commencer, puis je vais y mettre un petit peu d'eau après la langue, puis je vais faire ça. Tu ne pourras même pas le faire. Il n'y a pas une personne ici qui va aller s'acheter de Doberman. Ben, si on n'a pas peur, ils vont y aller. Personne. Puis les égos vont dire, ah oui, mais c'est parce que c'est pas ça la solution. Qu'est-ce que vous en savez? L'avez-vous déjà essayé? Mais il n'y a personne qui va aller chercher Doberman pareil pour les dresseurs à se faire licher. Ben, personne. Puis toi, employé? Même pas. Employé, je me risquerais peut-être. Tu te risquerais avec pas? Avec un bâton, quoi. Tu n'iras pas. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Tu n'iras pas. Qu'est-ce que ça donnerait si j'irais? Ça ne donnerait rien, tu n'iras pas. Si j'irais, pareil. Ça donnera rien, tu n'iras pas. Et comment un Doberman empaillé pourrait me faire évoluer? Énormément. Tu as qu'à en acheter un, tu vas voir. OK, j'en ai acheté un, on va en parler. Il n'en achètera pas, hein? T'as raison, on n'achèterait pas. Mais non, pourquoi? Parce que tu es manipulé. Non, parce que je ne crois pas que ça me ferait évoluer. Non, ça, c'est la raison que tu te donnes. À part ça, j'ai déjà deux chiens. Combien de personnes achètent des billets de loterie, même s'ils savent qu'ils perdent? Parce qu'ils sont manipulés à l'acheter. Parce qu'ils espèrent gagner. Non. Toi, là, tu me dis qu'en achetant un Doberman empaillé, tu n'évolueras pas plus. C'est faux. Ben, explique-moi comment je vais évoluer. J'ai déjà non, si je te l'explique, ça ne servira plus à rien maintenant d'aller acheter un Doberman. Parce que tu auras appris. Faudrait que je fasse un acte de foi, le m'acheter de Doberman, puis évoluer. Il évoluerait énormément. Comment évoluerait avec un Doberman empaillé? Je comprends pas. Je sais que tu peux pas comprendre. Faudrait que j'écoute la cassette deux fois, soit. Non, faut peut-être acheter un Doberman empaillé. Comme dans la vie. La semaine prochaine, ils vont tout arriver avec des Doberman. Non, personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça paraît comme si, comme si, comme ça. Je ne veux pas que les gens l'apprennent, je veux que les gens comprennent. Comprendre qu'on peut évoluer avec un chien. Ou pas le chien, c'est le principe autour du chien. Je comprends que c'est pas le chien, mais je comprends pas comment l'évolution de. Comment ça peut m'amener à évoluer. Mais je sais que tu comprends pas comment ça peut t'amener à évoluer, parce que ça fait partie des processus neufs. Ça fait pas partie des. Tu sais, si Moïse aurait eu un Doberman qui lichait les mains, là, tu dirais, ah ben ça oui, ça a l'air, je comprends, ça peut. Parce que dans le passé, quelqu'un aurait fait ça. Est-ce que c'est parce que ça m'enlèverait les agressions internes? Je te dis pas pourquoi. Ok, dis-moi pourquoi. Bon, continuons. Light va se faire licher les mêmes par Doberman. Bon. Les agressions internes deviennent un tremplin évolutif lorsque la conscience, même si elle est de temps en temps éjectée, est capable de faire la séparation totale entre ce que vous êtes et ce qu'on veut vous faire croire que vous êtes. Pose une nuance. Oui, mais ça m'arrange pas plus. Oui, ça vous arrange drôlement. Mais non, parce que j'ai pas plus d'argent, j'ai pas plus de bonheur, j'ai pas plus de ceci, j'ai pas plus de cela. C'est évident. Quand vous avez une crevaison, vous ouvrez le coffre de votre voiture et vous découvrez une roue de secours puis tout ce qui peut la changer. Ça vous arrange en maudit. Mais non, ça m'arrange pas, j'ai encore une crevaison. Ça vous arrange en maudit. Mais vous le savez pas. Dans l'évolution, c'est la même chose. Quand la conscience commence à voir la nuance, exactement comme si on cesse de vous mettre des gouttes dans les yeux quand vous avez mal aux pieds. Là, on vous dit, on vient de comprendre, c'est plus les yeux. On va arrêter de vous mettre des gouttes dans les yeux. Ah oui, mais ça ne m'arrange pas les pieds, ça. Je comprends. Mais ça nous laisse du temps pour commencer à chercher pourquoi, puis comment régler le problème du pied. Et tant qu'on s'occupait de mettre des gouttes des yeux, on pensait que ça marcherait, donc on ne s'occupait pas du pied. Alors, ça arrange en tabarouette. Ça arrange rien, mais ça arrange en Christie. Imagine-toi qu'au lieu de travailler pour avoir un vaccin pour le sida, ou trouver des médicaments pour le sida, tout le monde essaierait de convaincre Dieu de cesser ça. Ça marcherait-tu? Mais ça ne fonctionnerait pas. Alors, à un moment donné, tu te dis, bon, ben maintenant qu'on a compris que c'était pas ça la solution, mais ça nous laisse maintenant le temps de chercher à bonne place. Ça nous arrange. Ah, ça guérit pas, il va encore mourir, mais ça nous arrange. Lorsque la conscience est capable de discerner totalement la mécanique, se désassujettir du collectivisme, de l'archétype, de l'évolution méritoire, sacrificielle, qui fait que tout au long de ta vie, tu t'imagines que c'est toi qui as peur, que c'est toi qui honte, que c'est toi qui fais ceci, que c'est toi qui s'est engueulé. C'est pas vrai. On se sert de toi. Quand tu es capable de. Quand on arrive à une conscientisation de cela, bien nécessairement, c'est déjà beau drôlement mieux, parce que d'accord, tu continues à avoir peur, tu continues à sauver. Mais tu as maintenant une conscience. Si je me servais de. Je reviens encore au chien, je trouve que c'est un exemple qui est facile. Si je me servais de la crainte face au chien, pour. Je ne vais pas faire exprès pour le provoquer, l'événement, mais ne pas le fuir, l'événement, puis être capable. Tu t'arrêtes immédiatement. Oui. Tu fais plus ou moins exprès pour le provoquer et ça ne servira à rien. Non. Ça fait partie de l'évolution méritoire. Tu vas te faire mordre. Tu vas te faire lécher le visage, disons, puis en même temps, il va prendre tes deux volets de contact. Il va le coucher sur le dos. Mais qu'est-ce que ça donne d'abord d'avoir des agressions internes, puis comment tu peux transformer ça en tremplin évolutif? Ça ne donne rien d'avoir des agressions internes. Non, je suis sûr que ça ne donne rien. Et parce qu'il y en a tant qu'infonie avec. On peut s'en servir. Mais comment je m'en servirais? C'en est une agression, ça, de la peur. Comment je m'en servirais? Voilà. Comment l'être humain peut-il parvenir à comprendre la subtilité qui le différencie du corps de chair de ce qu'il est lui, alors que la majorité de la vision de ce qu'il est lui, il le voit à travers les sens du corps de chair? Comment pouvons-nous parvenir à comprendre que nous ne sommes pas de la matière? Même si la majorité de tout ce que nous avons de l'existence, je ne dis pas de la vie, de l'existence, provient des visions atomiques. L'œil, les sens, toucher, le goût, la gustation, l'audition, etc., les sens vitaux. Ben, c'est tellement subtil qu'on ne peut à peu près pas. Par contre, si à un moment donné, parce qu'on n'a pas pu, on a autorisé l'apparition d'un engrenage de mémoire matérielle, émotif, qui est l'âme, ben, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui, lui, nous enrage, nous promène, nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, nous fait dire des choses qu'on ne veut pas dire, etc., etc., etc., ben, je veux pas, à un moment donné, il y a des chances que la conscience finisse par là avoir une vision plus nette de la subtilité. Et elle se dira, je n'ai pas voulu faire cela. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que je ne l'ai pas fait. C'est la seule raison. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu veux boire? Non. Pourquoi bois-tu? Il ne peut pas répondre. Il peut répondre, c'est pas moi qui bois. Et là, tu as la réponse. Mais on ne peut pas répondre à cette question si on continue à conserver l'idée archétypale que nous sommes une unité complète. Tu as fait une dernière descente en ski. Tu étais fatigué. Tu ne voulais pas. Tu y es allé pareil. Tu as descendu. Tu t'es cassé une jambe. Une fois que tu avais la jambe tout entourée autour de ton autre jambe, tu t'es dit, je le savais. Alors là, j'arrive à côté, puis je te dis, eh ben, pourquoi tu ne l'as fait? Aucune réponse possible. J'étais un cave. Mais ben, tu étais un cave. Comment d'avoir un cave pouvait-il savoir qu'il ne fallait pas qu'il le fasse? Pourquoi il l'a fait pareil? Pourquoi on le fait pareil? Tu ne l'as pas fait. OK, tu ne l'as pas fait, mais celui qui cohabite, je reviens en affaire, voilà, qui cohabite dans le même corps, lui, il allait faire par quelque chose qui lui a pris le dessus, qui lui a monté parce qu'il voulait triper d'une dernière descente, alors que ta conscience a été éjectée le juste suffisamment pour que tout le long dans la chaise, tu disais, je peux pas, faut pas. Là, tu te dis mentalement, tu es mort de descente avec la chaise. De ton ego, le virus, les agressions internes, tu peux pas faire ça, ils vont te traiter de toi, il n'y a personne qui fait ça. Qu'on en a à foutre. OK, si quand ça t'arrive, ça, t'es au trois quarts de la pente, tu montes, puis là, le mental revient, ou la conscience revient, puis tu te dis, ouais, là, c'est pas brillant ce que je fais là, faut pas que je redescende en ski. Si tu restais dedans, puis que tu faisais le tour, comme tu dis, ou tu trouves une autre façon de redescendre. Tu évoluerais énormément. Bon, c'est comme ça qu'on se servirait des agressions? Oui. Parce que là, tu finirais par te dire, crime, c'est pas moi qui me suis resté ici. Mais là, pourquoi c'est très évolutif? C'est que tu commences à te dissocier totalement de tout ce qui manipule l'humain au plan planétaire. Progressivement, tu n'auras plus quand il neige ou quand il pleut. Pas parce que tu vas travailler là-dessus, parce que ça ne sera plus inhérent à toi. Ça va chialer quelque part dans le pied, là, mais ça ne sera pas au niveau de ta conscience. C'est que toi, tu te réveilles le matin, puis tu es ce que tu es. Pur. Puis quand il va se passer n'importe quoi, tu n'auras pas besoin de faire des techniques pour parvenir à contrôler. Non, ça va être pur. Parce que le fait de rester sur ta chaise, de faire... Le gars est débarqué, vous ne pourrez pas. Parce qu'il s'imagine que là, tu as peur de se débarquer quand la chaise va te taper la tête. Tu dis, non, je visite. Puis tu redescends. Puis là, quand tu redescends, tout le long, tu t'en égoïses. Oui, parce que tu rencontres tout le monde qui monte, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. C'est ça. Là, tu t'en égoïses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu autorises la fonte de ton ego parce que le mental contrôle la chose. Tu descends de la montagne, mais tu montes dans ta conscience. Oui. En descendant, tu vois toutes les sécrétions. Le cœur accélère, t'as chaud alors que tu avais froid en montant, t'as chaud en descendant. Ben oui, ça sécrète énormément. Hein? Et il y a plus de chaleur qui va t'exprimer. Tu vois plein d'idées, maudit que je suis cash, si je suis ça, tu essaies de ne pas regarder le monde, tu tentes de leur montrer ta carte, je vérifie la solidité des corps, tu essaies de trouver quelque chose. Ou encore, faites attention, il y a un violeur en haut, tu sais, voilà quoi, bon. Mais si tu contrôles tout ça, si tu restes serein, tu ne regardes pas qu'un sourire bête, c'est encore toute une mécanique de protection, c'est pas toi ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire du fait d'être assis sur une chaise puis descendre une pente de ski? Comme ça. Ça dérange quoi? Tous ceux qui montent. Ben, ça dérange tout. Mais ça dérange quoi? Rien. Rien. C'est comme ça qu'on pourrait s'en servir. Alors là, tu évolues. Là, tu as un tremplin évolutif. Pourquoi? Parce que toutes les agressions qui t'ont obligé à monter, puis toutes les agressions qui t'ont fait dire, maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Voyons donc, le vin est tiré, jette-le. Bon, je ne veux pas boire, je me fais manipuler. J'ouvre le robinet du gros baril, je me remplis une coupe phénoménale. Je le ferme. Puis là, le vin tiré, il faut le boire. Je ne pense pas pour le jeter. Ça n'a pas d'allure. Autant le digérer puis de le jeter aux toilettes après. Tu sais, en urinant, c'est la même affaire. Puis il m'aura vidé la conscience en attendant. Regardons, le vin jeté, il faut le boire. Il y a une personne, un homme d'affaires qui me disait hier, Moi, mon problème, c'est que quand je rencontre des gens, je leur fais toujours des promesses raisonnables. Puis vu que je suis conscientisé, les promesses que je fais ne peuvent jamais être tenues. Alors, je fais tout pour les maintenir, puis parce que je fais tout pour les tenir, je me ramasse toujours à des affaires sans plus d'allure. Ou je suis confronté à devoir promettre encore quelque chose, puis finalement, on recommence la même mécanique. Fait que là, il me dit, moi, pour évoluer, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je me laisse plus jamais prendre par l'obligation de promettre. C'est ça, j'ai dit, c'est bien ça, c'est bien. Tu ne promets plus à personne, c'est beau. Puis la journée de se promettre, parce que ta maudite spiritualité, là, ta christine morale d'animal méritoire et souffrant, fait que la journée que tu as encore dire à quelqu'un, je te promets que je t'amène 10 000 piastres dans 2 jours, mais là, il y a un problème. Puis là, je lui disais, c'est que toi, tu n'as rien promis. Okay? C'est l'animal qui t'habite qui vient te promettre. Puis là, tu vas te faire un honneur d'exécuter la parole du virus qui t'a manipulé. Mais voyons donc, tu ne sortiras jamais. Tu es fait. Parce que la journée que tu vas être un peu fatigué, tu vas m'en faire une promesse. Là, tu risques de tomber dedans. Puis maintenant que tu l'as fait, tu restes dedans. Mais voyons donc. Tu sais, je vous invite à la taverne, tout le monde, puis rendu là, on se rend compte, il ne faut pas boire. Mais là, je vous invite. Autant qu'on boive. Voyons donc. Qui vous empêche de changer de chemise? Oui, mais je j'ai donné ma parole. Était-ce votre parole ou une parole? Grosse nuance. Mais l'agression devient un maudit problème. Et là, on se dit, oui, mais la personne, elle ne me fera plus jamais confiance. Tant mieux! Vous ne pourrez plus jamais rien y promettre. Mais c'est pas le même qu'on voit ça du tout. Encore des agressions de collectivistes, etc. Puis là, on continue à se laisser charrier par une vie qui ne nous appartient pas. C'est facile de transformer les agressions internes en tremplin évolutif. Mais pour cela, la conscience doit se détacher suffisamment pour... Posez-vous la question à un moment donné. Quand on est bien mal pris, il n'y a jamais un problème assez gros pour que l'humain ne puisse pas l'abandonner. Mais il y a un masse d'archétypes, puis de morale, puis de ceci, puis de cela. Tu sais, tu me dirais, oui, mais si je t'ai emprunté 5 000, puis à un moment donné, je décide que crime, c'est pas moi qui l'ai emprunté, fait que je te le dois pas. Ben, c'est parfait, ça. Ben, oui. Faut que j'explique ça à mon gérant de banque, je dis. C'est ça, ben, c'est pas moi qui te l'ai prêté non plus, puis c'est de même, c'est comme ça. Ça change quoi, la vie? Le 5 000 que je vous emprunte aujourd'hui, là, dans 15 ans d'ici, là, qu'est-ce que vous allez avoir foutre de 5 000, là? Vous l'auriez même pu, vous l'auriez dépensé pareil. Vous auriez acheté une automobile, vous l'auriez pu. T'sais, ça change quoi dans l'idée? Même si je te le prête, tu me le rembourses pas. Ben parfait, j'efface, puis je continue à vivre. C'est tellement plus facile. Mais là, il faut que ta conscience soit capable de se dissocier de tous les mécanismes d'agression qui t'obligent continuellement à rester dans une vie qui ne te va pas, qui ne te plaît pas. Tu dis, oui, mais là, je vais lâcher ma femme, mon mari. C'est même pas ça le problème, c'est tout ce que tu ne peux pas vivre avec. Lâche ça. Peut-être tu vas partir après, peut-être pas non plus. Parce que n'importe quel humain vaut n'importe quel humain. C'est des illusions qu'on se fait de partir ailleurs. Tu sais, je t'écœurais du Québec, mais aller vivre quelque part. Ah oui. Puis dans 15 ans, d'ici, t'es écœuré quelque part. C'est ça le problème. Tu le déménages avec toi. On fait une pause. Pour votre information, on va la pause. Le prochain séminaire de Daniel qui aura lieu le 24 et 25 février prochain. Il reste quelques places. Ceux qui veulent s'inscrire à la table d'accueil. À tantôt. Thank you.